Les Vosges, samedi. Ça lui dit à Hélène Ingret qui vous livrait des bons plans et les coups de cœur vosgiens. Ça vous le dira aussi, auditeur de Radio Caraïbes Nancy sur les 90.7 à Nancy, les samedis à 7h et le dimanche à 6h. Et à vous aussi, auditeur de Radio Game Ozo sur les 107 FM à Remiremont les samedis à 8h30. Et pour vous, qui êtes de bonne humeur mais pas de bonheur, retrouvez les Vosges samedi sur les www.rcn-radio.org et sur www.radiogameozo.eu. Bonjour auditeurs des Vosges samedi, auditrices des Vosges samedi, auditeurs tristes, mais surtout pas tristes des Vosges samedi. Et oui, parce que c'est le printemps, et là c'est vraiment le printemps. Alors bien sûr, il reste encore un peu de neige sur les hauteurs, mais dans les vallées, eh bien, vous avez les jonquilles. Oui, les jonquilles. Les jonquilles, c'est un test d'altitude. Et puis aussi, si on est à l'endroit ou à l'envers. Alors, tout bien, tout honneur, à l'endroit ou à l'envers, c'est soit si on est côté nord ou côté sud, au niveau de la vallée, eh bien, elles fleurissent plus ou moins tardivement. Donc les jonquilles, c'est tout le mois d'avril, y compris un peu le mois de mai, bien sûr, à certains endroits. Notamment, il faut savoir, quand on est dans les creux, et bien parfois le froid s'y met, et les jonquilles fleurissent aussi plus tardivement. Alors, bien sûr, je vais essayer de vous le faire soft dans ce monde de brut. Ah oui, je vais encore d'entendre que... Il y a un militant de Bure qui vient de se prendre encore 4 mois avec sursis pour avoir jeté une motte de terre sur un Robocop. Cherchez l'erreur. Donc voilà, enfin, c'est moi qui le traduis à ma façon. Mais ça revient un peu quand même à ça. C'était début mars et j'y étais. Alors donc, les informations. Eh bien, ce sont des informations pour se mettre... Au vert, parce qu'il y a tout simplement, et oui, il y a Relanges, hein, oui, c'est dans les Vosges, et oui, c'est dans les Vosges. C'est donc le samedi 21 avril et le dimanche 22 avril, Relanges, nous en parlerons. Et puis, il y a aussi des programmes de sortie animés gracieusement par Oiseaux Nature. Et il y a donc, d'une part, la découverte de l'avifaune des mille étangs, le 15 avril, le rendez-vous est à Rue-sur-Moselle. Et de tout cela, avec d'autres dates, la découverte des batraciens également. Là, c'est plutôt sur la Vosges, hein, c'est le 21 avril. Je vous donnerai quelques dates au fil de cette émission des Vosges samedi de la première quinzaine d'avril. Donc, première diffusion le 7 avril, rediffusion le 14 avril. Allez, eh oui, je vous ai parlé des jonquilles, hein? Allez, et tcha-tcha des jonquilles! mais ça se termine. Des jonquilles. Eh oui, c'était Frédéric Puch qui nous interprétait le tcha-tcha des jonquilles. Alors, à vos tablettes ou à l'ancienne sur votre agenda, deux dates que nous propose Oiseau Nature dans le cadre de ses programmes de sortie. Toutes les sorties sont gratuites pour les adhérents à jour des cotisations et souvent pour tous les autres aussi. Alors, c'est donc le 15 avril. Donc le 15 avril, c'est le dimanche 15 avril, puisque vous écoutez cette émission première diffusion le 7 avril, ainsi que la rediffusion le 14 avril. Donc si c'est le 14 avril que vous écoutez, c'est demain. Voilà, sinon le 15 avril. Eh bien, c'est Jacques Combe, donc d'Oiseau Nature, qui nous propose la découverte de l'avifaune des mille étangs. Alors je vous lis le programme. Au sud du département des Vosges, les glaciers ont façonné, il y a 12 000 ans, ça ne nous rajeunit pas ma petite dame, un paysage remarquable. Dans ce pays de forêts profondes, de landes sauvages et d'étangs tourbeux, nous partirons à la découverte de la faune et de la flore en nous intéressant tout particulièrement aux oiseaux. Alors, bien entendu, comme c'est du côté des étangs, des landes sauvages et étangs tourbeux, eh ben, il est proposé de se munir de chaussures de marche étanches ou de bottes. Ah oui, en plus, ça fond. Alors, je vous dis pas dans les creux comment ça se passe. Et donc, le rendez-vous a lieu le 15 avril à 8h devant l'église de Rue-sur-Moselle. La sortie, ben, jusqu'à midi, donc il faut compter une sortie donc, de 4h. Une autre date, c'est, alors là, on s'expatrie vers Vittel et Contrexéville, puisque le rendez-vous a lieu le samedi 21 avril à 14h sur le parking du Forêt Parc, c'est entre Vittel et Contrexéville. La durée est de 2h30, c'est une sortie gratuite. Donc, il à prévoir bottes et vêtements chauds. C'est sortie printanière d'observation des grenouilles, crapauds et tritons à Denomar, à deux pas de la ville, dans une zone humide, unique et encore préservée. Alors, dans cette émission Les Vosges Samedi, ne comptez pas sur moi pour vous donner les bons plans pour déguster les grenouilles. Les grenouilles, on les regarde. D'autant plus que celles que vous dégustez, je pense que... Bah, elles viennent de je ne sais où, mais qu'elles y restent, surtout en fonction de la réfraction de ces bébêtes. Donc voilà, les grenouilles, on les regarde, on les déguste que des yeux le samedi 21 avril entre Vittel et Contrexéville sur le parking du Forêt Parc à l'après-midi, donc le samedi 21 avril à 14h et le dimanche précédent, le 15 avril, donc à Rue-sur-Moselle à 8h devant l'église de Rue-sur-Moselle pour découvrir l'avifaune des mille étangs. Et puis bien entendu, il y aura d'autres dates au fil des semaines et des mois à venir. Pour en savoir davantage, mettez-vous en rapport sur le site d'Oiseau Nature. Et puis, comme on est du côté de Vittel-Contrex, hein, le 21 avril, eh ben, tout simplement, allez, relange. Oui, c'est dans les Vosges, hein, c'est dans les Vosges, mais c'est vers Vittel, entre Darnay et Vittel, pour aller vite, hein, je vous le dis comme ça, entre Darnay et Vittel, c'est relange. C'est une fête bio le samedi 21 avril et le dimanche 22 avril. Eh bien, je vous donnerai le programme après. Allez, train irradié des buraleurs, parce que les buraleurs, eh bien, ça sera un peu notre fil rouge de ce semestre, puisque marquez tout de suite sur votre agenda électronique ou pas, le 16 juin à Bar-le-Duc, c'est une journée contre la poubelle nucléaire, le matin pour réfléchir, l'après-midi pour agir. Alors c'est vraiment une manifestation tout public. Hein. Ne croyez pas que vous allez être à nouveau sur le banc des accusés, puisqu'on essaye de criminaliser au maximum l'action civile qui a lieu contre ce projet funeste d'enfouissement des déchets des centrales nucléaires. Donc, le 16 juin, à Bar-le-Duc. Et puis, cette circonstance, hein, au moment où justement on essaye, le gouvernement actuel essaye, avec les précédents qui ont déjà bien savonné la planche, essaye de privatiser notre service public des chemins de fer. S'il y a encore des trains qui roulent, parce que ça sera surtout avec des camions, mais là, justement, c'est encore quelques trains, hein, le fret il a fondu comme neige au soleil, et oui c'est le printemps, et ben voilà, le fret depuis quelques années ça a fondu comme neige au soleil, c'est remplacé par des camions, mais là il y a encore des trains qui roulent, ben, il se trouve que c'est un train irradié, et c'est Burraleur qui nous le chante. Je m'en suis allé le long de la voie ferrée pour les regarder, ouais, tous défiler, les trains irradiés qui passent dans nos cités. Train irradié, bébé, ouais, train irradié qui se balade dans nos cités. Secret défense, pas droit d'en parler, pas loin d'en parler où on se fait coffrer. Ouais, de circuler, tu peux essayer, mais ça c'est risqué. Avec la disqueuse, ils vont te déchiqueter. Manifester, tout le monde, manifester pour les faire stopper. Les trains irradiés, ouais, dans nos cités. Les trains irradiés, ouais, faut les stopper. Ouais, de circuler, tu peux essayer, ouais, ça c'est risqué. Avec la disqueuse, ils vont te déchiqueter. Manifester, tout le monde manifester pour les faire stopper. Les trains irradiés, ouais, dans nos cités. Les trains irradiés, ouais, faut les stopper. Alors, j'ai dans les bras, dans les petites menottes, le programme bleu de Relange Bio. C'est la 13e rencontre, et oui, c'est les lettres de noblesse, 13e rencontre à Relange. Donc, Relange qui se trouve dans les Vosges, hein, vous êtes bien dans l'émission Les Vosges samedi. Et donc, ça se trouve dans les Vosges sur l'axe d'Arnay-Vittel. Voilà, hein, pour le faire vite. C'est tout le week-end, donc du 21 avril et dimanche 22 avril, c'est tout le week-end. Donc le samedi, c'est de 14h à 19h et le dimanche, de 10h à 18h. Alors, beaucoup, beaucoup d'informations. Je vous en livre quelques-unes. Pour avoir davantage, si vous n'avez pas ce magnifique petit fascicule bleu, eh bien, vous pouvez aller sur le site relangebio.fr. Alors, relange, ça s'écrit avec un A et un S. Alors, c'est relangebio.fr, également donc sur Facebook, donc Relange Bio, ou sinon en numéro de téléphone 03 29 09 84 18. Je répète, 03 29 09 84 18. Relange. Alors, il y a donc, d'une part, de 14h à 17h, il y a un circuit en véhicule tractomobile. Visite de ferme, la conversion en bio. Alors, c'est également, vous avez donc ces animations-là qui ont lieu également donc le dimanche. Ensuite, alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a un programme et puis il y a plein de programmes où c'est marqué solutions. Hein. Par exemple, le samedi 21 avril, de 15h à 17h, eh bien, il y a un atelier qui vous est proposé sur l'éolienne Pigotte. C'est une autoconstruction animée par Épinal en transition. Donc, il y a des solutions comme ça. Bien sûr, on vous causera des abeilles aussi. On vous causera de la géopolitique, de la faim et de la malnutrition, parce que c'est tout sauf par hasard qu'arrive la faim dans le monde, hein, ou même dans notre hexagone. Hein. C'est vraiment l'analyse politique de ce mal universel. Également, donc, le samedi à 16h, une conférence sur la relation homme-animal, sujet au cœur de l'avenir de l'élevage, de l'agriculture et de notre alimentation. Donc, la relation homme-animal. Également, donc, une solution par rapport au jardinage, comment gérer les rotations et les associations en jardinage sur sol vivant. Eh bien, c'est à 17h le samedi 21 avril. 18h20, scène ouverte, et à partir de 19h, donc il y a un repas bio avec une ambiance musicale avec le duo Influence. Alors bien sûr, de la musique, vous en aurez, avec également Tout à l'envers, c'est le samedi après-midi à partir de 19h, donc duo Influence, et le dimanche, c'est Nietzsche Reinhardt. Ah, ça va swinguer, Nietzsche Reinhardt. Le dimanche 22 avril. Le dimanche 22 avril, eh bien, ça commence à partir de 11h sur des conférences sur nouveaux indicateurs, nouvelle économie, repenser la richesse et le développement à travers de nouveaux indicateurs. Et c'est fait, alors, pas des moindres, par les économistes atterrés. Et eux, ils savent de quoi ils causent. Et comme on dit économistes atterrés, ben, j'en profite pour dire que le délibéré de la cour d'appel pour Antoine Deltour, ce sera le 15 mai. Non, là, lui aussi, hein, il a bien décodé l'économie européenne et cette fameuse fraude fiscale organisée en bande. Oui, c'est vraiment... Oui, nos grands politiciens et autres commissions européennes, c'est vraiment des grands malfaiteurs en bande organisés, puisqu'ils mettent en œuvre cette fraude fiscale institutionnelle que Antoine Deltour nous a révélée. Ensuite, donc, dimanche 22 avril, de 11h30 à 14h30, bien sûr, restauration, repas bio. Et de 14h à 17h, eh bien, on continue à se tracter en mobile, en véhicule tractomobile, toujours avec cette visite de ferme de conversion bio. Et puis, j'aime bien, donc, ces solutions, hein, solutions à 15h30 le dimanche, retour d'expérience sur la culture en sol vivant. Et puis également à 15h, agriculture bio, le revenu des paysans. Ben oui, sachons que les paysans, c'est la catégorie professionnelle qui se suicide le plus. Chercher aussi l'erreur. Alors bien sûr, c'est pas les grands céréaliers qui se suicident. Hein. On est bien d'accord. Donc, agriculture, donc à 15h, agriculture bio, le revenu des paysans, contractualisation, prix, rémunération, aide, PAC, hein, donc ça a à voir à trait avec l'Europe, rémunération des biens publics, la difficile équation du revenu des agriculteurs.